que tu fais? Là, je hache menu la coriandre. On va faire du saumon avec ce qu'on a. Donc avec du citron, de la coriandre et de la crème fraîche. Voilà. Un peu d'huile d'olive. Alors, il nous faut un citron. Alors, nous avons du citron ici. Oh, il est loin. Nous allons le chercher dans le champ qui se trouve dans le couloir. Nous avons les citronniers dans le couloir. Hop. Jongler avec le citron pour la préparation, c'est indispensable. C'est important. C'est très, très important. Il faut que le citron chante. Ça va cramer cette histoire. Attends, je l'arrête pour l'instant. On va mettre des zestes de citron aussi, ça va être super bon. Ça va être sympa. Allez chercher dans le congélo. Alors dans le congélo, ouais. Ouais, parce que c'est les citrons. On a récupéré les zestes. Il y en avait tellement qu'on les a congelés. Mais délicieux, des gros citrons bio là, ils étaient trop bons. Hop, les gestes dans la poêle. Donc là, on remet le feu gentiment, même parce qu'il ne faut pas trop fort quand même. Un petit tour de main. Après, on met le saumon coupé en petits bouts. Je vais mettre une feuille de sauge écrasée juste derrière toi, là. Donc c'est la sauge du jardin. On en a plein. Moi j'adore ça. Donc je l'écrase. Je remue un petit peu. Voilà, le saumon il est. On va dire qu'il est presque cuit. Hein. Ouais. Ok. Encore un peu rosé. Ouais. Et là, je vais mettre le jus de citron. Voilà. C'est sportif la cuisine avec toi. Pourquoi? Parce que je cours. Si j'ai peur de faire cramer le poisson. Ça sent bon là. Ouh, ça bouge ça. Alors, on va mettre les pâtes à cuire. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre comme pâte? La pâte. On n'a pas autre chose. Allez. 9 minutes de cuisson. Oula, voilà, j'ai tout mis. Ça. Voilà. Très bien. C'est une recette de grand-mère? Alors non, c'est une recette inventée sur le moment. Une recette avec ce qu'on a. On va mettre la crème fraîche. Ta-ta-ta ! Le point final. Ouais, le temps que la... que les pâtes finissent. On va mettre une crème entière de Normandie. Fluide et onctueuse. Attention. De Normandie. Oh oui, de Normandie. là que ça devrait. Donc voilà, il faudra du poivre. Parce qu'après, quand c'est prêt, ça n'attend pas, il faut manger de suite. Les pâtes, ça n'attend pas. C'est la règle. Vous voyez ce que je veux dire ? Les pâtes, quand c'est prêt, c'est prêt. Tu les aimes comment ? C'est quoi ta religion des pâtes ? Al dente. Qu'elles soient cuites ? À point. Un peu légèrement encore croquantes, mais pas trop. Donc j'en prends une. Ah, hop ! Je la mets. C'est bon. Oh, s'il vous plaît. Oh, putain. C'est un peu trop al dente. Ah, c'est un peu too much, là. Les pâtes sont cuites !